إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله مترى شيخ فرير de la mosquée السنه de Moroni des îles de Comores. Dans cette soirée du vendredi 16 juillet, correspondant au 16 juillet 2021, correspondant au 6 Dhul-Hijjah 1442 de l'Hégire, c'est avec grand plaisir que je retrouve mes frères dans ces îles afin de nous rappeler un fondement important de notre religion, la religion de l'islam. Et la rencontre entre frères, quand le sujet est cette religion, est toujours bénéfique. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la sincérité et la véracité dans les paroles et dans les actes, et de nous aider à réformer notre apparence comme notre intérieur. Le sujet qui a été choisi est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fondement des fondements, la sagesse et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les créatures, sans exception. Concernant la création des hommes et des djinns, Allah azza wa jalla a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Il les a créés pour son adoration, pour son unicité. L'unicité qui est de trois catégories. L'unicité de l'adoration, appelée également l'unicité de la divinité, et l'unicité de la seigneurie, et l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset qu'il a fait une chose pour que ses serviteurs fassent une autre. L'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa création. La création des djinns et des hommes. Et ce qu'il aurait demandé, c'est la deuxième chose dans le verset, c'est d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et sincère. De l'adorer seul et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. De l'adorer seul et de délaisser l'adoration de toute autre chose excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, l'adoration lui a été donné beaucoup de définitions parmi les hommes de science, dont une des meilleures est celle-ci. Al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. L'adoration, c'est un terme qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Donc tout ce que Allah aime et tout ce que Allah agrée, tout ce que Allah a ordonné, toutes les choses où Allah a loué ceux qui les font, que ce soit des paroles, des actes, des croyances, des convictions, tout ça, Ce sont des adorations qui doivent être vouées à Allah seul. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Al-ibadatu kamalul mahabbati ma'a kamalil dhul. Al-ibada, c'est la perfection dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la perfection de, dans l'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est les deux piliers. Comme il a dit également dans Nouniya, « وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ » Donc, ça, c'est les deux piliers de l'adoration. L'amour d'Allah au degré le plus parfait avec l'humilité et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour d'Allah qui implique sa vénération et sa glorification. Et l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala qui implique la soumission et la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » L'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration telle que l'invocation d'Allah, l'évocation, le sacrifice, le vœu, la demande de secours, la demande d'intercession, tout ça ce sont des adorations qui doivent être vouées à Allah seul. Comme tu pries uniquement pour Allah et tu donnes la zakat uniquement en espérant la récompense d'Allah et t'accomplis le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les adorations doivent être vouées à Allah seul. Comme Allah dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah il ordonne à son prophète عليه الصلاة والسلام de dire aux gens de la manière la plus claire et la plus explicite que sa salat, que ce soit les invocations ou les cinq prières obligatoires ou les autres salawat surrogatoires. Toutes ces salawat ne se doivent qu'à Allah, ainsi que le sacrifice. On immole et on ne sacrifie que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sacrifie pas pour les mausolées, ni pour le djinn, ni pour shayatin, ni pour personne, car l'adoration c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je ne leur réclame aucune subsistance, ni n'attends qu'ils me nourrissent, car Allah est le dispensateur de subsistance, le très fort, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous informe qu'il n'a pas besoin de ses créatures. Au contraire, c'est eux qui sont dépendants de lui et qui ont besoin de lui à chaque instant. Ils ne peuvent pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures ne peuvent pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le plus petit laps de temps, ils ne peuvent pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset nous montre la grande importance de l'unicité d'Allah. Car Allah a créé toutes les créatures pour cette raison, qui est d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et de la même façon, la sagesse et la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et les terres, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers, et a fait descendre les livres et les révélations, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer, a placé le sirat, ce pont qui est dressé sur le feu de l'enfer, et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place la balance et le jugement et la rétribution, c'est la concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, vous avez compris l'importance de Tawhid et qu'il est la plus grande de toutes les obligations de l'islam, la plus obligatoire de toutes les obligations et même la première de toutes les obligations. Car Allah n'accepte d'un serviteur ni une bonne œuvre, ni une bonne action, obligatoire ni surrogatoire. Il n'accepte rien de lui jusqu'à concrétiser l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers, c'est la catégorie la plus importante. C'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Car même Kuffar Quraysh unifiaient Allah dans la Seigneurie. Ils avaient la conviction que l'unique créateur était Allah. L'unique pourvoyeur est Allah. L'unique roi et souverain par excellence est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout en ayant ses convictions, il lui donnait des associés dans son adoration. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers pour appeler leur peuple à l'unicité d'Allah et les mettre en garde contre shirk. Et le premier shirk qui est apparu sur terre a eu lieu 10 siècles après la descente de Adam alayhi salam du paradis dans le peuple de Nuh alayhi salam. Et à cause de ce shirk, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier messager aux gens de la terre. Il leur a envoyé le premier messager qui est Nuh alayhi salam. L'apparition de shirk nécessite l'envoi d'un messager, alors qu'avant lui il n'y avait que des prophètes. Et également, notez bien que depuis l'apparition de ce shirk, il n'a jamais disparu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Ça nous montre le danger et la gravité du shirk et qu'il ne faut pas le minimiser. Car quand il apparaît, c'est très difficile de le changer. C'est très difficile de le changer. Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte d'aucun serviteur, aucune bonne action, jusqu'à concrétiser le tawhid. Jusqu'à concrétiser le tawhid. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Comme ça a été rapporté de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, dans le tafsir de l'imam ibn Kathir, il a été interrogé, qui sont les muttaqoun? Allah n'accepte que des pieux. C'est qui ces muttaqin? C'est qui ces pieux? Il a dit, قَوْمٌ اتَّقَوُ الشِّرْكَ وَعِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَأَخْلَصُ الْعِبَادَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Donc le sens de ce verset, Allah n'accepte que des pieux, Allah n'accepte que des muwahidin, Allah n'accepte que des gens du tawhid, ceux qui se sont écartés de l'associationnisme sous toutes ses formes et qui ont délaissé l'idolâtrie et l'adoration des statues et des idoles et qui ont voué un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça a été rapporté dans le hadith Mu'ad radiyallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question sur ce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَلْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer seul, sans rien lui associer. Donc, التوحيد, c'est le plus grand droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa générosité et sa miséricorde et sa grâce et son bienfait, il s'est rendu obligatoire de ne pas châtier celui qui le rencontre avec tawhid pur et sincère. Allahu Akbar. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle dans ce hadith, au point où Mu'ad radiallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, at-tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est son droit. Et on doit l'avouer à personne d'autre, que ce soit un ange proche d'Allah ou un prophète envoyé. C'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi par l'injustice. Et n'ont pas altéré leur foi par l'injustice. Ici, l'injustice, dans ce verset, englobe toutes les formes d'injustice. Les trois catégories d'injustice. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. ظلم, c'est un mot nakira, nakiratun, fi siyaq al-nafi, فتفيد العموم. لهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم من هذه الآية فخافوا خوفا شديدا رضي الله عنهم. Donc, dans ce verset, Allah nous dit, dans le sens approximatif, ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi par l'injustice, ceux-là sont en sécurité et sont bien guidés. Donc les compagnons ont compris de ce verset l'injustice avec ces trois catégories. Car c'est ça que comprennent les Arabes. Quand ils lisent ce style de phrase, ils comprennent un sens général. Car l'involm ici, c'est un mot indéterminé dans un contexte de négation. Ça donne un sens général. Et c'est pour ça qu'ils ont pris peur après la révélation de ce verset. Et le Nabi alayhi salam leur a montré que dans ce contexte, ce qui est voulu, c'est la grande injustice. La grande injustice. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi par la grande injustice, al-shirk, l'opposé de tawhid, ceux-là sont en sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, et seront bien guidés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils seront sur le droit chemin dans cette vie, comme ils marcheront sur le droit chemin dans l'au-delà. Donc la concrétisation de tawhid, c'est la plus grande cause de la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est la cause de la guider dans le dunya et dans l'akhira. Le zulm dans ce verset, c'est dans son sens, al-zulm, wad'u shay'i fi ghayri mawdi'i. C'est que tu places une chose à une place qui ne lui convient pas. C'est de placer une chose à une place qui ne lui convient pas. C'est de là que shirk a été appelé une injustice. Car shirk est une injustice. Et le mushrik, l'associateur, est un injuste. Car il a placé l'adoration, il l'a vouée à celui qui ne la mérite pas. Et celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi alayhi salam leur a montré que ce qui est voulu, c'est la grande injustice, comme j'ai dit, et que celui qui est préservé et qui rencontre Allah sans avoir de shirk majeur, il aura la sécurité et il sera bien orienté et bien guidé. De la même façon que celui qui est préservé de shirk, il sera parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qu'Allah a élus. Comme Allah nous le dit dans le Coran, il nous dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dans le sens, Puis nous avons attribué l'héritage du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Certains parmi eux se lèsent eux-mêmes. D'autres empruntent une voie médiane dans leurs actions. Et d'autres, enfin, vont au-devant des bonnes actions et des bonnes œuvres. Telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la faveur suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à tous les trois catégories, Allah a promis son paradis. Car les trois catégories sont des mouahidin, des monothéistes. Les premiers, yani, ils sont tous préservés de la grande injustice qui est l'associationnisme. Et la deuxième injustice qui est citée dans ce verset, الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ, celui qui se fait du tort à lui-même, il fait des péchés à lui-même. الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ. Et la deuxième catégorie, yani l'injustice, il se fait du tort à lui-même avec quelque chose qui est inférieur au shirk. Et la troisième catégorie de l'injustice, c'est celui qui fait de l'injustice aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur bien, dans leur personne, dans leur honneur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les trois catégories de l'injustice. Injustice, la grande, qui est l'associationnisme, l'injustice à toi-même, comme boire l'alcool, l'injustice à autrui, tel que voler l'argent de ton frère, et ainsi de suite. Ça, c'est les trois formes d'injustice. Celui qui est préservé des trois, il aura la sécurité absolue et parfaite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il sera bien guidé, la guidée parfaite et absolue dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui a une diminution dans ces degrés-là, sa sécurité et sa guidée vont diminuer proportionnellement à son péché, du moment qu'il ne rencontre pas Allah avec la grande injustice. Donc il aura droit aussi et il aura part à cette sécurité et à cette guidée. Donc prendre conscience de cela nous donne et nous montre l'importance de Tawhid est qu'on doit être attaché à son apprentissage et à sa mise en pratique plus que notre attachement à la salat et à la zakat et au jeûne et au pèlerinage. L'importance qu'on doit accorder au Tawhid doit être plus grande que l'importance que tu accordes à toutes les autres adorations. Et cette importance, mon frère, c'est pas dans les paroles. ليست بالادعاءات وبالكلام, c'est en prenant et en faisant les causes pour te préserver de l'opposé de tawhid qui est shirk, que ce soit al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar, al-shirk al-zahir ou al-shirk al-khafi. Tu dois te préserver de toutes les formes de shirk. Et parmi les causes les plus importantes, la demande de science et d'apprendre Tawhid et de le propager dans ton entourage, à commencer par ta famille, les gens de ton quartier et ainsi de suite. Et également l'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme l'invocation de celui qui se noie et qui ne voit aucune cause autour de lui. Son cœur s'attache entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et il l'invoque. Il lui demande de le sauver. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière si tu espères être sauvé, comme a dit l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Invoque Allah, an tad'u Allah bi du'a al-ghariq. Al-ghariq alladhi inqata'at 'anhu kull al-asbab wa lam yabqa 'indahu illa musabbib al-asbab wa rabb al-asbab. هذا الدعاء هو الذي ينجيك في آخر الزمان عند تغير الأحوال وضعف العلم والتقوى والبعد عن العلماء, هذا الذي ينجيك بإذن الله تعالى. Également, tu dois avoir peur et craindre الشرك plus que ta crainte de tomber dans tous les autres péchés qui sont en dessous de shirk. Et ce qu'on doit savoir, mes frères, en Allah, c'est que tawhid, c'est pas un livre que tu vas lire ou mémoriser ou apprendre. C'est pas un matn. Ou c'est pas des livres que tu vas apprendre et lire. At-tawhid, en réalité, c'est une aqidah sur laquelle tu vis et sur laquelle tu meurs et sur laquelle tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid, il commence avec toi depuis ta naissance jusqu'à quitter ce bas monde. An-Nabi alayhi salam dit « Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui dont la dernière parole de ce bas monde est « La ilaha illallah » ira au paradis. Entrera au paradis. Et si ton cœur, et s'il n'y a pas de tawhid dans ton cœur, ne serait-ce qu'un instant, ton cœur sera corrompu. Ton cœur sera corrompu. At-tawhid, c'est une adoration instantanée qui ne doit pas te quitter un seul instant, depuis ta création jusqu'à ta mort. Et de là, on constate l'ignorance de ceux qui disent « Tawhid, tu peux l'apprendre en une heure, tu peux l'apprendre en cinq minutes. » Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'est Tawhid. At-tawhid, quand il n'y a plus quelqu'un sur terre qui dit « La ilaha illallah », c'est la fin des temps. Et c'est la fin de ce bas monde. Et c'est l'arrivée de l'heure. Dès qu'il n'y a plus de mouahid sur terre, cette terre n'a pas à exister. Et c'est sa fin. Et ce sens que je viens de citer, tu le trouves d'une manière claire et évidente dans beaucoup de textes de notre législation islamique. C'est pour ça que tu trouves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son prophète, par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam, nous a légiféré beaucoup d'adorations dans une seule journée, qui sont des rappels pour tawhid et une façon de renouveler ton tawhid quotidiennement et de le renforcer dans ton cœur pour l'importance de tawhid. Et si tu prends rien qu'à titre d'exemple, les invocations du matin et du soir, les invocations que tu cites après les salawat obligatoires, les invocations que tu dis au moment où tu prends ta couche pour dormir, et ainsi de suite, tu vas trouver que toutes ces invocations sont remplies de tawhid. Une manière de renforcer ton tawhid et de le renouveler, car l'être humain est exposé aux fitan, aux troubles, aux tentations. Et tu ne trouveras pas une adoration légiférée dans l'islam qui ne renforce pas tawhid et qui a un renouvellement de tawhid dans ton cœur. Et aussi tu trouves que chaque musulman, pour rester dans le cercle de l'islam, il doit répéter 17 fois par jour, au minimum, d'une manière obligatoire. Dans ces salawats quotidiennes, les 5 salawats quotidiennes, dans l'ensemble des raka'at et de 17, il doit répéter obligatoirement « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ».« Iyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons. Ça, c'est la signification exacte de la parole « La ilaha illallah ». Donc, tu répètes « Tawhid » rien que dans « Salat » d'une manière obligatoire chaque jour, 17 fois, pour son importance. Car « Tawhid », ça doit continuer avec toi jusqu'à quitter ce bas monde. Et ce qu'on doit noter, mes frères, en Allah, c'est que ces invocations qu'on dit le matin, le soir, après salawat et ainsi de suite, c'est pas des simples paroles qu'on répète avec notre langue. On doit les méditer et les comprendre pour l'essence immense qu'ils contiennent. Je termine avec une parole de l'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah, dans laquelle il montre l'importance de Tawhid. Il dit: وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها. Il dit: ce fondement important est le plus important de tous les fondements d'une manière absolue, c'est-à-dire Tawhid, notamment Tawhid l'Ibada. Et c'est le meilleur de tous les fondements de l'islam et le plus obligatoire de tous les fondements de l'islam. وألزمها لصلاح الإنسانية وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. Et c'est le fondement indispensable pour la réforme de l'humanité tout entière. Et c'est pour ce fondement qu'Allah a créé les djinns et les hommes. Et il a créé toutes les créatures. Et c'est pour ce fondement et pour sa réalisation et sa concrétisation qu'il a légiféré toutes les autres législations. Avec son existence, c'est-à-dire Tawhid, il y aura la réforme. Et avec sa perte, il y aura le mal et la corruption. Et tous les versets coraniques, il poursuit, rahimahullah, وَجَمِيعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ إِمَّا أَمْرٌ بِحَقٍ مِّنْ حُقُوقِهِ أَوْ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ أَوْ إِقَامَةُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ أَوْ بَيَانُ جَزَاءِ أَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَوْ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ. انتهى كلامه. Et tous les versets du Coran, tous les versets coraniques, ou bien ils montrent un droit parmi les droits de Tawhid, ou un interdit parmi ceux qui s'opposent au Tawhid, ou représentent une preuve de Tawhid et de l'unicité d'Allah, ou ils nous montrent la rétribution réservée aux gens de Tawhid dans le bas monde et dans l'au-delà, ou nous montrent la distinction entre les gens de Tawhid et les associateurs. Fin de sa citation. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: Fali wahidin kun wahidan fi wahidi a'ni tariq al-haqq wal-imani. Pour l'unique, c'est-à-dire unifie Allah de par toutes tes intentions et ne vise que lui par toutes tes adorations. Kun wahidan, soit unifiant, c'est-à-dire unifie l'unique avec toutes tes adorations et tous tes actes de dévotion. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin, dans une voie unique. Et là, il fait allusion à l'unicité du suivi, c'est-à-dire suis le prophète alayhi salatu wassalam seul. Comme tu dois adorer Allah seul, ne l'adore qu'avec ce que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Écarte-toi des innovations et des hérésies. Ensuite, il a dit: A'ni tariq al-haqq wal-imani. Je veux par cette voie la voie de la vérité et de la foi. Il n'y a pas de voie de vérité ni de foi que la voie qui nous a été tracée par notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et toutes les autres voies t'écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'une voie qui mène vers Allah. C'est la voie qui nous a été tracée et montrée et enseignée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en étant dans cette période bénie, dans ces jours extrêmement méritoires, je ne veux pas laisser passer cette occasion sans rappeler à mes frères l'importance des efforts dans toutes les adorations et dans tout ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le jeûne, et surtout le jeûne du jour de Arafah, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a expié 2 années, permet l'expiation de 2 années de péché. Tu dois pas louper le jeûne de ce jour-là, quoi qu'il arrive. C'est une sunna très recommandée. Et également, en multipliant les autres adorations, telles que salat, telles que la récitation du Coran, et les invocations, les évocations d'Allah, notamment takbir, tahlil ou tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Ou une autre formule rapportée des compagnons radiallahu anhum. Également les aumônes, aide, soit bénéfique et profitable pour ta communauté, pour ton, les gens de ton quartier, pour les gens de ta ville, pour les gens de ton île. Et sache que tu ne pourras jamais leur rendre un service meilleur que de leur apprendre tawhid. Et également les aider financièrement, chacun selon ses capacités. Et Silat al-Arham, également entretenir les liens de parenté, rendre visite, et surtout à ceux avec lesquels tu es en coupure ou tu es en froid depuis un moment. C'est l'occasion ou c'est jamais de réparer ta relation avec les membres de ta famille et de faire Silat al-Rahim. Et les autres adorations. Et les autres adorations qui sont légiférées. Et sache, mon frère, que parmi les meilleures choses que tu puisses avoir dans ces jours bénis et méritoires, qui sont les meilleurs jours de dunya, c'est de réaliser cette vérité. T'es dans les meilleurs jours de dunya. Est-ce qu'on a réalisé cela? On est dans les meilleurs jours de cette dunya, les jours les plus méritoires. Donc, profite et saisis l'occasion. Tu ne sais pas si tu seras en vie l'année prochaine ou pas. Qu'Allah prolonge nos vies dans son obéissance. Et parmi les choses les plus obligatoires pour toi dans ces jours et dans tous les jours de ta vie, jusqu'à rencontrer Allah, c'est le repentir. Le repentir sincère qui réunit toutes ces conditions. Al-Nabi alayhi salam, il faisait le repentir dans une seule assise plus de 70 fois. Et dans certaines versions, plus de 100 fois. Et dernièrement, je souhaite recommander à mes frères d'étudier ensemble et de réviser la science entre eux et d'avancer ensemble et de s'entraider, d'avoir des cours de langue arabe, d'avoir des cours de religion, notamment tawhid et de fiqh, selon ce qui est possible pour vous, mais de remplir vos assises et vos rencontres avec l'apprentissage. Car comme il a dit l'imam الزهري فما عبد الله بشيء افضل من العلم. Jamais on a adoré Allah avec quelque chose meilleur que la science et la demande de science. Soyez attachés à rester unis et soudés sur la vérité, unis dans la vérité, et à avoir une seule parole, et faites toutes les causes pour préserver votre entente et votre accord entre frères sur la même voie, la voie salafie, la voie de la vérité. Faites toutes les causes pour augmenter l'amour entre vous et entraidez-vous dans le bien et éloignez-vous de toute personne qui puisse jeter en vous des ambiguïtés, des shubuhat. Ibta'idu anil marda. Chaque personne qui est malade, qui est touchée par une maladie, aidez-la et soignez-la si vous en avez la capacité et vous êtes habilité à le faire, car pas toute personne est capable de soigner un malade. Mais laissez ça à ceux qui sont capables de le faire avec l'ilm et la science pour repousser les ambiguïtés. Une personne malade, on la délaisse pas, on la soigne. Mais on ne lui permet pas de nous donner des cours. On ne permet de donner des cours qu'à des gens qui sont clairs et qui sont attachés aux hommes de science et qui sont derrière les savants, notamment les grands savants. Ça a été rapporté de beaucoup d'imams parmi les salaf, tels que Qais ibn Amr al-Mula'i, rahimahullah. Il a dit: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. Si tu vois le jeune, dès qu'il commence, il commence avec les gens de sunna et du groupe, alors espère son bien. espère pour lui le bien et espère le bien de lui également. Et si tu le vois, dès qu'il commence, il commence avec les gens de l'innovation, alors désespère de lui. Car le jeune, فَإِنَّ الشَّابَ عَلَىٰ أَوَّلِ نُشُوءِهِ, selon la première chose sur laquelle il commence. D'où l'importance d'être soudé et de faire toutes les causes pour augmenter l'amour entre vous. Et chaque chose qui risque de vous diviser, rédigez une question et posez-la aux hommes de science. Fais toutes les causes pour préserver ton frère, le cœur de ton frère, et pour préserver votre union. Si tu vois qu'une chose va vous diviser, c'est très simple. On s'assoit, on se met d'accord sur une question et on la pose aux hommes de science. Et la divergence est résolue de cette manière. Mais par contre, si tu commences à donner ton avis, même si tu penses que c'est toi qui as raison, et l'autre, il donne son avis en pensant que c'est lui qui a raison, ça, c'est les causes avec lesquelles Shaitan divise les gens qui sont sur la même voie. Également, ça a été rapporté de Abdullah ibn Shawdab, rahimahullah, il a dit, إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الشَّابِ إِذَا نَسَكَ أَيُّوَاخِيَ صَاحِبَ سُنَّةٍ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا. Parmi les bienfaits d'Allah sur le jeune, quand il se réforme et quand il suit le droit chemin, c'est qu'Allah lui accorde un frère ayant la sunna, qui est sur la sunna, qui l'appelle à cette sunna. Et celui qui a les ambiguïtés, il va t'appeler à quoi? Il va t'appeler à ses ambiguïtés. C'est pour ça, tu dois te préserver. Et sache que le plus grand trésor qu'Allah t'a accordé dans cette dunya, c'est ta religion. Ne l'expose pas aux ambiguïtés. Sois avec les gens clairs qui sont derrière l'ulama. Et les gens qui sont fiers et qui se réjouissent dans leurs avis, dans leurs opinions et qui pensent arriver à des degrés et des degrés. J'ai étudié la question et je suis arrivé à telle chose. Cela, écarte-toi d'eux. Et la même parole a été rapportée de Ayyub Sirtiyani, rahimahullah. Il a dit, إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْحَدَثِ وَالْأَعْجَمِي أَنْ يُوَفِّقَهُمَ اللَّهُ لِعَالِمٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Parmi les causes du bonheur du jeune et du non-arabophone, c'est qu'Allah lui permet la rencontre d'un savant parmi les savants de la sunna. Allahu Akbar. C'est une ni'ma immense. Il ne connaît la taille et l'immensité de cette ni'ma que celui qui l'a perdue. D'être avec l'ulama, avec les savants, les grands savants de cette époque, et d'être derrière eux, c'est une ni'ma immense sur laquelle on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons de nous accorder la sincérité. Ça, c'est une chose très importante, ya ikhwa. Tu peux avoir la bonne position et ne pas être sincère. Tu dois être dans la vérité en cherchant la satisfaction d'Allah seul. C'est ça qui te sauvera avec la permission d'Allah le jour de la résurrection. On va s'arrêter sur ce qui a été dit. Je demande à Allah que ça me soit bénéfique et profitable à moi, le premier, ainsi qu'à mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allahu khayran. Wa adama Allahu alaykum al-ni'am. Ni'matu al-ijtima' ala al-sunnati wa al-tawheed. ونعمة التآلف والمودة والمحبة في الله أدام الله عليكم هذه النعم وأبقاها عليكم وثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته